Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Cette semaine au Mathieu Planchot. Dans Television Television, un reboot d'Animaniacs, produit par Steven Spielberg, serait en préparation. De mon côté, j'attends qu'on achète mon concept de remake de Macaroni Tougarni, produit par Pods. Dans segment Geek Scenix, un robot pasteur provoque une polémique en Allemagne. C'est sûr que les enfants sont pas habitués encore au contact avec le métal, faut quand même leur laisser le temps. Et il remercie Science du Viagra pour les nouveaux-nés privés d'oxygène à l'accouchement au Mathieu Planchot tout de suite. Et voici celui qui se prive d'oxygène pendant l'émission parce qu'il arrête pas de parler, Mathieu Plante! Bonjour, bienvenue Mathieu Plante, je suis Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 5 juillet 2017, comme toujours, la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de sciences, technologies, médecine, merci science, et le segment geek CNX. Si tout va bien dans une demi-heure, ça devrait être la chronique de Frédéric Simon. J'ai pas encore eu une nouvelle de lui, mais on va voir. On espère, on se croise les doigts. Dans quelques minutes, par contre, ça va être la chronique et tout ce qui bouge avec des drones, avec des souliers, avec des fusées, avec des avions, je sais pas trop. Tout ce qui bouge dans quelques instants, mais avant ça, un petit peu de musique chiptune. On a débuté l'émission avec Cal et la pièce On My Own SGB Mix. Et maintenant, on écoute une autre pièce d'un nouvel habitué d'émission. J'ai commencé à triper dessus il y a quelques semaines et je le joue sans cesse. Il sort beaucoup de pièces, donc ça tombe bien quand même. Voici Amateur LSDJ et Paradise MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Ou Amateur LSDJ avec Paradise au Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est le segment Tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, la grille dans laquelle on parle, tout ce qui est en mouvement, que ce soit des souliers, des fusées, des avions, des containers à vidange ou peu importe. On commence justement à pied avec la façon de marcher qui serait un moyen pour s'authentifier plus tard dans le futur. Après les yeux, le cœur, les lèvres, la chaleur des doigts, des chercheurs se basent sur la façon de marcher pour s'authentifier. Donc pour dire ce que ça veut dire environ, la marche ou plutôt la façon de marcher peut maintenant être un moyen fiable pour sécuriser les systèmes. Une équipe d'experts du CSIRO, le Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, une agence du gouvernement australien, s'est mise à pied d'œuvre pour mener à bien ce projet. Nommé Data 61, le groupe de chercheurs a utilisé des accéléromètres pour capturer le déplacement d'une personne en termes de mouvement et de vitesse. Si d'autres recherches antérieures ont développé des méthodes similaires d'authentification basées sur la démarche, elles ont toutes eu comme obstacle la consommation d'énergie, réduisant l'autonomie du terminal d'authentification. Les spécialistes ont combiné les résultats des travaux passés avec une nouvelle technique baptisée KEH pour Kinetic Energy Harvesting, ou encore la collecte de l'énergie cinétique. Cette dernière traduit le mouvement d'une personne en énergie électrique et optimise l'autonomie des terminaux d'authentification ou les capteurs que la personne doit avoir sur elle. Data 61 indique que les tests du Gate KEH ont atteint une précision d'authentification, de 95% et une consommation d'énergie réduite de 78%. Le test a porté sur 20 utilisateurs dans différents environnements de marche sur un tapis, dans l'herbe, sur la route. La précision était toujours au rendez-vous. De même, les bêta-testeurs étaient invités à imiter la marche d'une autre personne et le système a détecté à 87% l'imposture. Les scientifiques louent les avantages d'une telle méthode d'authentification, ainsi le système s'adapte et se perfectionne de manière continue. Si une personne change au cours du temps sa façon de marcher, le système est capable de détecter les modifications et de l'intégrer. Par ailleurs, avec cet apprentissage automatique, il sera difficile de pirater ou de tromper le système. Les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale peuvent être bernées par des astuces ingénieuses. Le champ d'utilisation est vaste pour la technique du gatekeeping, la défense, le secteur de la santé et de la finance. Les capteurs peuvent être implantés dans les badges et ainsi authentifier les employés lors de leur déplacement au sein de l'entreprise. Elle peut se substituer à des outils biométriques inefficaces comme des endroits nécessitant un habillage particulier couvrant le visage et les mains. Ensuite, on va en voiture avec un bouton siège éjectable qu'on peut ajouter à sa voiture pour quelques dollars seulement. Combien de fois avez-vous envie de sortir d'une voiture rapidement après un malaise? Ça aurait été parfait d'avoir un siège éjectable. Ce petit gadget se branche sur la prise allume-cigarette 12 volts et convient donc à la quasi-totalité des voitures du marché. Une fois en place, l'illusion est vraiment parfaite. On croirait avoir une voiture digne de ces séries américaines, souvent à base d'espionnage et autres missions périlleuses. Malheureusement, la description du produit le précise que c'est conçu uniquement pour faire une illusion. Ça coûte 14 $ Il ne faut pas espérer avoir un vrai siège éjectable, évidemment. Ensuite, la réalité virtuelle pour contrer la vitesse au volant. Toujours en voiture, la Société de l'assurance automobile du Québec et la SAAQ misent sur la réalité virtuelle pour réduire le nombre de décès et de blessés liés à la vitesse au volant, nous dit Radio-Canada. Dans le cadre de sa campagne 2017 sur le thème de la vitesse, la SAAQ se déplacera dans plusieurs régions du Québec au cours de l'été afin de sensibiliser les automobilistes aux effets de la vitesse, notamment sur la distance de freinage et la force de l'impact. La SAAQ invite les personnes qui visitent son stand d'information itinérant à enfiler un casque de réalité virtuelle qui reproduit l'intérieur d'une voiture en train de circuler sur la route. Les participants sont ensuite soumis à 3 simulations de collisions à différentes vitesses, une avec un ballon, l'autre avec un piéton et la troisième avec une voiture. L'objectif est de démontrer au conducteur que le fait de dépasser la limite de vitesse permise, ne serait-ce que de quelques kilomètres, peut avoir de graves conséquences. Le recours à la réalité virtuelle vise à rendre l'expérience la plus réaliste possible afin de faire réfléchir les automobilistes. La campagne s'adresse particulièrement aux conducteurs de 16 à 24 ans. La SAAQ participera à différents événements et festivals du Québec cet été pour tenter de rejoindre le plus grand nombre de conducteurs possible. De plus, les corps policiers et les contrôleurs routiers de la SAAQ mèneront une opération nationale de sécurité routière à partir du 9 juin jusqu'au 15 afin d'exercer une surveillance accrue des comportement des automobilistes. Toujours en voiture, mais dans les airs, la voiture volante de Toyota qui connaît quelques ratés. Malgré les petits revers de fortune que connaît leur prototype de voiture volante, Toyota et Cartvator l'assurent, oui, leur voiture volante sera prête pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. On en parlait il y a quelques semaines de ça. Donc, le mois dernier, Toyota injectait 350 000 $ dans la start-up Cartvator. Cartvator, oui. Il faut prononcer apparemment le point d'exclamation qu'il y a entre Cart et Vator comme un i. Pour les aider à développer la plus petite voiture volante du marché. L'idée est de parvenir à présenter un prototype viable d'ici la fin de l'année 2018 pour une commercialisation en 2020 avec une présentation lors des Jeux olympiques de Tokyo. La petite voiture pourrait être chargée d'allumer la flamme olympique. Sur papier, cette voiture volante, qui est plus proche du drone que de l'automobile, sera capable de voler à 100 km/h et de s'élever à 10 mètres de haut. L'engin fera 3 mètres de long pour 1 mètre de large et sera équipé de 3 roues et de 4 hélices. La réalité, par contre, en est tout autre. Les premiers tests ne sont pas très conclusifs. Concluants? Bref, dans une séquence filmée par les caméras de l'Associated Press, on peut voir que le prototype de la trentaine de volontaires qui travaillent sur le projet virevolte pendant quelques... Oui, on peut voir que le prototype de la trentaine de volontaires qui travaillent sur le projet, oui, virevolte pendant quelques secondes avant de s'écraser au sol. Bien que l'appareil ait été équipé de ballons de basket pour amortir sa chute, l'un des cadres de la voiture a été enfoncé, endommageant au passage une hélice, ce qui a eu pour conséquence de mettre fin au test. Un petit revers de fortune qui n'entame en rien la détermination des ingénieurs de Cartvator, qui prévoit de terminer la voiture volante à temps pour les Jeux olympiques de Tokyo. Ensuite, on parle de gros poids lourd chez Tesla. Tesla Semi, on a déjà parlé de ça à l'émission aussi, mais le poids lourd électrique sera en production d'ici 24 mois, nous dit-on. Parmi les annonces faites durant l'assemblée annuelle des actionnaires de Tesla, on a évoqué le projet de poids lourd électrique Tesla Semi, évoquant sa période de mise en production, oui. À côté des véhicules électriques grand public, Tesla compte aussi explorer le segment encore très jeune des poids lourds exploitant une motorisation électrique en association avec des possibilités de conduite autonome. C'est le projet Tesla Semi, élément du Master Plan Part 2 de Elon Musk annoncé l'an dernier dont très peu de détails ont encore émergé. Quelques bribes d'informations dont un teaser et la promesse d'une présentation plus complète d'ici l'automne ont déjà préparé le terrain. Profitant d'une motorisation électrique empruntant de nombreux éléments à la future Model 3, le poids lourd Tesla Semi devrait logiquement offrir un couple plus important que les camions avec moteur diesel. Durant l'Assemblée générale, Elon Musk a de nouveau confirmé une présentation du projet pour le mois de septembre avec un prototype fonctionnel et donné une fenêtre pour la mise en production qui devrait intervenir dans les 18 à 24 prochains mois, avec peut-être une production en petite quantité en amont de cette période. Le prototype en question a déjà été montré à certains partenaires potentiels qui sont également mis à contribution pour finaliser le design du futur poids lourd, permettant un échange pour adapter le véhicule aux besoins des futurs clients. Ensuite, on va dans l'espace avec un avion, pas dans l'espace, juste avant l'espace. Oui, c'est ça. On va dans l'espace, mais on commence par un avion. Un avion géant pour lancer des fusées dans l'espace. On se comprend là-dessus, c'est comme un entre-deux. À l'imposant avion Stratolaunch pour le lancement en plein vol de fusée effectue la première sortie de son hangar. Un premier vol d'essai est attendu pour 2019. Le premier vol d'essai est prévu pour 2019, mais l'avion géant Stratolaunch est pour la première fois sorti de son hangar dans le désert de Mojave en Californie, aux États-Unis, pour mener des tests de ravitaillement, nous dit GénérationNT.com. Propulsé par 6 turboréacteurs qui équipent le Boeing 747. L'engin est un avion pipoutre qui repose sur quelques 28 roues. Il a une envergure de 117 mètres pour une longueur de 72 mètres et pèse près de 230 tonnes lorsqu'il est vide. Il a été conçu pour un poids maximal au décollage avoisinant, c'est pas difficile, 590 tonnes. Sorte de cousin poids lourd de l'avion porteur White Knight 2 du VSS Unity, le Stratolaunch se destine d'abord au transport et au lancement de fusées permettant de placer en orbite basse des satellites. Depuis une altitude de 9100 mètres, il est évoqué le lancement en plein vol d'une fusée Pegasus XL de Orbital ATK et la possibilité de lancer jusqu'à 3 fusées Pegasus lors d'une seule sortie. Le lancement aéroporté est censé présenter des avantages comme une réduction des coûts et pour faire face aux caprices de la météo. Derrière cette aventure aérospatiale et la société Stratolaunch Systems, on retrouve une nouvelle fois un milliardaire, c'est Paul Allen, qui est surtout connu comme le cofondateur de Microsoft avec Bill Gates. Ensuite, on passe au drone avec une première libellule cyborg, grâce à l'équipement d'un sac à dos très spécial. C'est pas la première fois que des chercheurs lorgnent du côté du monde animal pour créer des drones. On a déjà pensé à un oiseau ou une chauve-souris. Mais une équipe de chercheurs du laboratoire Charles Stark Draper et à l'Institut médical Howard est allée encore plus loin avec cette libellule cyborg. Plutôt que de créer un drone de la taille d'une libellule qui n'aurait de toute façon pas été aussi performant que l'insecte sur qui il prend modèle, les chercheurs du Genelia Research Campus ont décidé de travailler sur une libellule vivante. Ils ont pris une libellule, donc, et lui ont collé sur le dos un genre de sac à dos électronique, embarquant des capteurs pour analyser des données, ainsi que plusieurs technologies, une technologie de recharge à l'énergie solaire et une technologie qui va permettre de pouvoir contrôler la libellule à distance. Il ne s'agit pas de forcer la libellule à voler à gauche ou à droite avec une quelconque forme de torture, non. Les chercheurs ont travaillé sur un outil qui leur permet de communiquer directement avec les neurones de l'insecte pour la convaincre de le faire. En résulte, un étrange équipage qui peut ainsi voler avec l'agilité d'une vraie libellule, récupérer des centaines de données et explorer des lieux que ne pourrait pas explorer un drone de plus grande taille. Et au-delà de tout ça, cette recherche ouvre des pistes quant à la stimulation de certaines zones du cerveau et pourrait aider à terme la recherche médicale. Wow! Et toujours dans les drones, des petits parachutes sur les colis livrés par drone chez Amazon. Amazon, parmi tant d'autres, a pour objectif d'utiliser des drones pour livrer les colis plus rapidement et partout dans le monde. Seul souci, comment faire en sorte que le contenu du colis arrive intact à terre? Le groupe de Seattle a la solution, des petits parachutes. Oui, bientôt le ciel sera rempli de colis qui tomberont doucement d'un drone Amazon vers leur destination, votre maison, nous dit Klubik. Nul ne sait si Amazon, qui multiplie les brevets originaux autour de la livraison par drone, va bien développer cette solution éventuellement. Repéré par le site GeekWire, le brevet obtenu par Amazon a de quoi faire sourire. Certains colis livrés par drone pourraient intégrer un parachute. Le parachute est alors déclenché par le drone qui, lorsqu'il lâche le paquet dans les airs, tire la ficelle permettant de le déployer. Ça permettrait en réalité de réduire la distance parcourue par l'engin volant pour sa livraison. Il ne doit plus se poser à terre pour apporter le colis pour ensuite reprendre son envol. Le brevet semble supposer que la technologie est adaptable à tout type de colis et que surtout il est possible de choisir de l'utiliser ou non. Évidemment, si tu te fais livrer un disque dur, peut-être que tu ne voudrais pas de ton petit parachute. Lorsque la livraison par drone a plus de sens qu'une livraison classique par camion, Amazon utiliserait la technique de parachute. Dans le cas contraire, le livreur pourrait simplement détacher le parachute du colis avant de le livrer, ce qui permettrait à Amazon de le réutiliser sur un autre paquet. Quelle drôle de nouvelle! Voilà, c'est tout pour le bloc Tout ce qui bouge. Tout à l'heure, ce sera Television, mais avant ça, on va entendre une pièce de Amplifier. Oui, ça part en volant comme un drone. Voici Born Sleepy, MPS, le Mathieu Planchot. Thank you. C'est fou! C'était DJ Chief Takinawa et un remix de Swamp Stage de Marvel vs. Capcom 2 à Infinitely Waiting au Mathieu Planchot. Et on s'en a entendu Born Sleepy par Amplifier. Maintenant, c'est Television, Television. Télévision, Télévision, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours, en commençant par le Québec, qui bien sûr, et les séries cultes dans une galaxie près de chez vous et Radio Enfer seront de retour dans nos écrans cet automne, enfin, après l'échec magistral de Prise 2 et ses diffusions bizarres de... Je comprends jamais, ce poste-là m'énerve tellement, Prise 2. Ils jouent les émissions genre une fois par semaine en bloc de deux, alors que tu sais, ils peuvent remplir la semaine au complet l'émission comme ça, pour nous donner un petit quelque chose à tous les jours, mais c'est justement ce que Uni va faire. Hein. Donc, Capitaine Patnaud et les autres seront de retour cet automne, dès septembre, sur la chaîne Uni TV. Tu vas pouvoir donc regarder les 4 saisons de Dans une galaxie près de chez vous, diffusées entre 1998 et 2001, ainsi que les 6 saisons de Radio Enfer, les 5 bonnes et la dernière, qui ont été diffusées entre 1995 et 2001. Donc, la chaîne Uni qui est disponible dans le forfait de base, en passant, tout le monde l'a, peu importe si vous la voulez ou pas, vous l'avez chez votre câble distributeur. On sait que Dans une galaxie près de chez vous, avoir sa propre bande dessinée. Éventuellement, ça devrait paraître d'ici la fin de l'année ou peut-être au début de l'année prochaine. Le troisième volet du film devrait sortir sur les écrans dans un avenir plus ou moins rapproché afin de célébrer les 20 ans de la série. Ça a été confirmé par Claude Legault en février dernier. Pour Radio Enfer, bien évidemment, les DVD sont disponibles aussi. Il n'y a aucune raison de regarder ça à la télé autre que quand ça tombe devant vous, sur votre guide. Vous allez cliquer sur Radio Enfer. C'est beaucoup, beaucoup mieux comme diffusion que sur, sur Prise 2. Ça me manque pas du tout, Prise 2. En plus, c'est Uni TV, c'est eux qui diffusent Ramdam, donc trois bonnes séries. Moi, je le dis à chaque fois que je parle de ces émissions-là, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas un vrac rétro? Je comprends pas. Il y aurait tellement d'argent à faire avec ça sur... ou au moins un bloc rétro en permanence, pas juste pour un anniversaire de quelque chose, genre de Gracie. Bref, autre chose que je ne comprends pas, hein, Québécois, VTL aussi, qui laisse tomber Taxi Payant. Et Alexandre Barrette réagit. Humoriste et animateur a publié un message rempli de gratitude, au moins, c'est quand même une bonne petite personne. Donc on commence à se demander s'il va rester des émissions à regarder sur VTL, nous dit showbiz.net, outre la nouvelle mouture d'Occupation Double. C'est pas mal tout ce qui va rester, je pense que l'argent est pas mal allé là-dedans. Après avoir débranché la Guerre des Clans récemment, ainsi que Espace Découverte, c'est au tour de Taxi Payant de disparaître. La nouvelle a été confirmée sur les réseaux sociaux par l'animateur du concept, l'humoriste Alexandre Barrette, après 8 années et 230 émissions. Hein? L'émission a été en ondes pendant 8 ans sur V, c'est quand même assez long. Même chose pour la Guerre des Clans, c'est depuis l'ouverture du réseau en 2009. Alexandre Barrette va-t-il se trouver un autre poste à V, une autre émission? Peut-être, est-ce qu'il va aller voir ailleurs? Je le comprendrais. Bref, c'est bien dommage. Justement, parlant de VTL, les téléspectateurs se mobilisent pour le retour de la Guerre des Clans. Les fans de l'émission aimeraient que V revienne sur sa décision. La chaîne V a annoncé, comme on l'a dit la semaine passée, qu'elle mettait fin à sa populaire émission. Beaucoup d'internautes ont clamé leur désaccord sur les réseaux sociaux. Une téléspectatrice a décidé de créer une pétition afin de convaincre le réseau de changer son fusil d'épaule et de ramener son émission dans les 5 à 7 en famille. L'objectif de la créatrice est d'amasser 1000 signatures. Ça va probablement se faire. Est-ce que ça va donner quelque chose? Probablement pas. On dit 1780 soutiens jusqu'à maintenant en direct en ce mercredi 7 juin. Jean-François Barry a animé l'émission depuis son retour en onde en 2009. Là aussi, c'est une émission qui est là depuis le début de V. C'est bien triste hein, de voir que V enlève pas mal tout ce qu'il y a de sens à l'émission, à leur réseau pour mettre du Occupation Double. Mais bon, on les comprend, c'est financier, faut croire. Ensuite, on reste dans le People un petit peu, Olivier Primeau et sa série Beach Club dans l'eau chaude. On reste un petit peu chez V, mais vous allez voir que ça va changer de place pas mal. Difficile de prédire la suite pour la série Beach Club. Au début du mois de mai, on apprenait que, de la plume de Hugo Dumas de la presse que l'homme d'affaires Olivier Primeau, propriétaire du populaire Beach Club de Pointe-Calumet, avait décidé de changer de diffuseur pour sa série Beach Club, laissant VTL derrière. C'est en effet du côté de Québécois et du groupe TVA que Primeau s'est retourné pour produire et diffuser la populaire série. Par contre, pas une nouvelle depuis ce temps-là. Les sources de showbiz.net indiquent que l'avenir serait plus qu'incertain pour ce projet du côté de Québécois, puisque le contrat signé entre Olivier Primeau et VTL l'empêche de faire quelques projets de télé que ce soit sur un autre réseau pour 2 ans. Tu vois, ça, c'est un contrat béton. De même, on nous apprend que celui-ci aurait déjà reçu quelques mises en demeure de la part de V. Rien ne va plus donc pour Olivier Primeau et son ancien diffuseur. Le propriétaire du Beach Club a laissé tomber V il y a quelques semaines du début du tournage, créant du coup un trou dans la grille horaire déjà organisée chez Musique Plus. On indique que les horaires de tournage avaient déjà été prévus, les équipes techniques avaient même déjà été réservées et les scénarios, entre guillemets, étaient déjà sur papier. Oui, tu sais, c'est de la télé-réalité, mais on s'entend que c'est un petit peu manipulé. C'est un peu la même situation que pour la Guerre des Clans qui a aussi appris que c'était retiré avec tout déjà prévu, les équipes déjà bookées. On dit à showbiz.net que c'est la promotion de spectacles avec Québécois et Vidéotron qui aurait attiré Primeau de ce côté-là. On indique aussi que ça pourrait être difficile de revenir en arrière pour Olivier Primeau parce que V et Musique Plus ont déjà planifié une nouvelle émission qui, selon eux, va faire beaucoup de vagues. On n'a pas vraiment plus de détails là-dessus. Ensuite, on passe au Canada anglais. La semaine passée, on parlait de l'horaire d'automne de CBC, qui avait tout plein d'émissions canadiennes, tout plein de nouvelles, de retours, de nouveautés, d'annulations. Il y avait plein de choses qui étaient sur du contenu canadien. Évidemment, chez CTV, c'est pas mal une station américaine. Hein, pas beaucoup de contenu canadien. Je vous donne les grandes lignes sans faire le tour au complet. CTV s'est procuré les comédies Young Sheldon, le dérivé de Big Bang Theory. Me, Myself and I, une comédie à une seule caméra, mettant en vedette Bobby Moynihan et John Larroquette. Le revival de Roseanne, avec la distribution d'origine, et The Mayor. En plus de ça, il y a le spin-off de Grey's Anatomy, le nouveau drame légal de Shondaland, même productrice que Grey's Anatomy, For the People. Ensuite, des drames qui créent le buzz en ce moment, The Good Doctor, ça c'est le spin-off de Grey's Anatomy, hein? C'est ça? Non, je pense que non. Je me trompe là-dessus. The Good Doctor, 10 Days in the Valley, The Crossing, Deception et The Gospel of Kevin. Deux nouvelles franchises de Marvel sont achetées par CTV, Marvel's Inhumans et The Gifted. Ensuite, de nouveaux drames de Canadiens, Tassi Cameron, Martin Giro et David Shore. Et c'est pas mal ça, il n'y a pas grand-chose, comme vous pouvez le voir, de Canadiens en tant que tel. Hein? Ensuite, on va aux États-Unis avec Ed Helms, qui va être l'animateur de The Fake News with Ted Nelms. Émission spéciale pour Comedy Central, une parodie de bulletin de nouvelles. Exactement ce qu'on pourrait penser. Donc, selon Deadline.com, ce sera une émission qui va ressembler à un vrai bulletin de nouvelles, livré par un animateur absurde, inventé, qui ressemble énormément à Ed Helms, le gars qu'on connaît pour The Office, entre autres, et le Daily Show. Sauf qu'à la place de s'appeler Ed Helms, il va s'appeler Ted Nelms. Hein? TFN va ressembler donc à CNN et à Fox News, sans le volume, mais avec le volume, vous allez vivre dans une tradition du deadpan, donc du pince sans rire, similaire à Peter Sellers, Monty Python ou Leslie Nielsen. En plus de mettre en vedette Ted Nelms, les producteurs exécutifs de The Fake News seront Mike Falbo, de Pacific Electric Picture Company, l'ancien producteur du Daily Show Stu Miller, qui a partagé 2 Emmy Awards pour l'émission, sera aussi producteur exécutif. Helms, en passant, qui a été correspondant pour le Daily Show dans les années 2000. Voilà. On va suivre ça. C'est pour l'instant, c'est une émission spéciale. J'espère que ça va devenir une série de spéciaux ou même une émission hebdomadaire. Je sais très bien que Ed Helms était énormément occupé en ce moment. Mais bon, si on l'a choisi pour faire cette émission-là, peut-être que c'est qu'il a le temps de le faire une fois par semaine. Non, c'est bon. Ensuite, on reste aux États-Unis avec le reboot que j'ai mentionné en ouverture d'émission de Animaniacs, produit par Steven Spielberg en préparation. Donc, vous connaissez tous l'émission Animaniacs. Ici, on risque de revenir à l'écran avec un reboot produit par Amblin Television et la Warner Brothers Animation. On sait également Steven Spielberg, producteur exécutif du dessin animé d'origine. Je me rappelais pas, mais en effet, il est dans l'intro même, qui donnera probablement un coup de main pour cette nouvelle version 2017 de ce trio infernal qui a bercé les enfances des gens des années 90. L'annonce du reboot vient de sortir il y a quelques jours. Les Animaniacs n'ont pas encore de diffuseur, mais on dit que le dessin animé devrait trouver facilement preneur vu le revival des années 90 auquel on assiste depuis quand même plusieurs années. Les Animaniacs, c'était Yakko, Wakko et Dot, bien sûr les jumeaux Warner, enfermés dans le château d'eau de la Warner depuis les années 1930. Ils s'en échappaient régulièrement pour semer la panique autour d'eux dès que l'occasion se présentait. L'occasion de mettre en place des gags grand public qui touchaient autant les enfants que les adultes. J'aimais aussi les chansons, les parodies de trucs qu'on pouvait apprendre. Il y avait beaucoup de connaissances partagées dans cette émission-là. Bref, la série avait commencé en 94, pris fin en 99, de retour après 18 ans d'absence. Donc, allez voir l'article pour le générique d'ouverture sur le site de Uber Gizmo en passant par assemblagerequis.com. Toujours aux États-Unis, il n'y aura pas de troisième film pour Sin City, on le sait déjà, mais ça va continuer à la télé. En 2005, Robert Reyes et Frank Miller adaptaient avec brio les comics, les bandes dessinées du même nom, Sin City. En 2014, une suite voyait le jour, mais réalisait un four monumental. C'est français, ça. Hein? Un four monumental au box-office, dépassant à peine les 40 millions de dollars de recettes pour un budget de 65 millions. Mais la saga pourrait continuer sur le petit écran, nous dit journaldugeek.com. Deadline affirme que TWC et Dimension Film seraient en train de développer une série. Si Robert Rodriguez n'est pas évoqué, Frank Miller, le co-réalisateur des deux films et surtout créateur de la franchise, agirait en tant que producteur aux côtés de Steven Lheureux. Notons que le projet semble bien avancé puisqu'un showrunner aurait déjà été trouvé en la personne de Glenn Mizara, qu'on connaît pour The Shield et The Walking Dead. La série devrait s'émanciper des films en racontant de nouvelles histoires en marge de celles déjà contées dans les deux longs métrages. Deadline ajoute que Len Wiseman réalisera le pilote. Les bandes dessinées originales sont composées de 7 volets, dont 6 racontent des histoires pleines. Un tome est un agglomérat de petites histoires. À travers les deux films, 4 ont déjà été mises en scène. Les scénaristes devront donc trouver de nouvelles histoires et surtout créer de nouveaux personnages dans l'esprit de ceux de Miller. Ainsi, on pourrait revoir Hartigan, joué... On devrait pas revoir Hartigan, joué par Bruce Willis, Marv par Mickey Rourke, et Dwight, joué par Clive Owen et Josh Brolin, mais bien de nouveaux héros. On sait pas encore si la série va reprendre l'esthétique des films ou si elle créera un nouvel univers visuel. On va suivre, bien sûr, le dossier. On parle de Breaking Bad maintenant, une expérience de la série en réalité virtuelle. PlayStation s'associe à Sony Pictures et au créateur de Breaking Bad, Vince Gilligan, pour développer une expérience en réalité virtuelle de la série culte. Et cette expérience ne sera pas un jeu vidéo. C'est le président de Sony Interactive Entertainment America, Sean Layden, qui a confirmé la chose à Polygon. L'idée est venue lors d'un événement organisé par PlayStation sur le campus de San Mateo l'année dernière. Sean Layden n'a évidemment pas donné de détails concernant l'expérience, difficile donc de savoir s'il va s'agir d'une reconstitution de certains passages existants de la série ou encore de contenu inédit. Et pour les fans de Breaking Bad et ou de PlayStation, pas encore de date de dévoiler, nous dit Uber Gizmo. Et finalement, deux nouvelles sur Netflix. Surtout de retrait d'émissions, malheureusement. Vous avez peut-être entendu la fin de Sense8 après 2 saisons seulement. C'est un scandale sur Internet. Personne n'avait vu venir. Donc, c'est arrivé. Netflix annule Sense8. La série des Sarah Wachowski n'aura en effet pas de fin. La saison 2 se termine par un cliffhanger qui laisse espérer une saison 3. Je n'irai pas plus loin que ça, mais non, l'aventure est terminée, il faut maintenant passer à autre chose. Cindy Holland de chez Netflix confirme la chose, affirmant que l'aventure touchait bien à sa fin et que la troisième saison n'arrivera jamais. Deadline évoque le fait que certains acteurs de la série n'ont pas renouvelé leur contrat suite à la longue période entre les deux premières saisons, mais tout cela n'est que spéculation et on en saura peut-être plus dans les prochaines semaines. Depuis l'année dernière, Netflix s'est mise à faire des choses qu'il n'avait encore jamais fait, c'est-à-dire annuler des séries. On a déjà parlé que l'émission Bloodline était retirée, Marco Polo, The Get Down plus récemment et maintenant Sense8. Justement, parlant de Netflix et d'émissions difficiles à renouveler, il est assez rare que Netflix décide de mettre un terme à une de ses séries originales, mais l'annulation de The Get Down et celle de Sense8 sont deux exceptions qui pourraient faire changer la règle. Selon le patron de Netflix, Reed Hastings, le service pourrait justement devenir un petit peu plus strict concernant les renouvellements. Durant une entrevue avec CNBC, Reed Hastings expliquait, je cite, « Notre ratio de hit est bien trop élevé actuellement, ce qui suggère qu'une plus grande prise de risque pourrait... » Oh, c'était la fin de la citation. C'est un guillemet d'ouverture, mais c'était la fin de la citation. « Ce qui suggère qu'une plus grande prise de risque pourrait leur offrir davantage d'opportunités de décider que certaines séries ne fonctionnent pas. » Là, je cite pour vrai, « Notre ratio de hit est trop élevé, alors nous avons annulé quelques séries. » Je suis toujours en train de pousser l'équipe chargée du contenu. Nous devons prendre davantage de risques. Vous devez faire des choses plus folles parce que nous devrions avoir un taux d'annulation plus élevé. On a aussi certains grands gagnants totalement inimaginables comme 13 Reasons Why, 13 raisons. On a vraiment été surpris. C'est une super série, mais nous n'avions simplement pas conscience de son potentiel. Je sais pas trop quoi penser d'un gars qui trouve qu'il y a trop d'émissions qui ont du succès puis qu'il faudrait qu'il y ait un petit peu un meilleur ratio entre des émissions retirées et des... Je sais pas trop. Peut-être que ça donne trop confiance aux créateurs de séries qui peuvent faire n'importe quoi parce qu'ils vont être renouvelés de toute façon, je sais pas. Plusieurs séries originales de Netflix ont surpris les fans en se voyant renouvelées, mais ces annulations récentes sont-elles vraiment le signe d'une politique plus stricte? L'avenir nous le dira. C'est bien triste pour Sense8. Je dirais bien, allez magasiner pour aller trouver ailleurs, mais habituellement, quand tu magasines pour trouver ailleurs, c'est chez Netflix que tu vas. Fait qu'après ça, il va rester quoi? Hulu? Amazon Prime? Peut-être? Ça se pourrait. C'est pas des choses impossibles, ça. On n'a pas vu encore ça, je pense, de séries qui sont passées d'un réseau en ligne à un autre réseau en ligne. Mais pourquoi pas, hein? Voilà, c'est tout pour Television. On va faire Merci Science dans un moment, mais avant ça, on écoute une autre pièce de chiptune. Voici Sonido Lagunero. MPS, le Mathieu Plancho. Sur ses fous. spiritual et presa la laguna. Mathieu Plancho, on appelle ça du Global Tropical Chiptune Bass. Maintenant, voici Merci Science. Merci Science, la chronique qui remercie la science d'exister. On commence avec des bibis. Des bébés qui prennent du Viagra. Oui, du Viagra pour les nouveaux-nés privés d'oxygène à l'accouchement. Après avoir fait ses preuves pour traiter les dysfonctions érectiles chez les hommes, voilà que le Viagra s'avère prometteur pour réparer le cerveau des nouveaux-nés ayant été privés d'oxygène lors de l'accouchement. Une étude menée au Centre universitaire de santé McGill, le CUSM, qui vise à en prouver l'efficacité. Malgré une grossesse normale et les plus grandes précautions prises par la maman, il arrive que tout se complique au moment de la naissance. Le placenta se déchire, l'utérus se rompt, le bébé reste coincé. Ces événements imprévus qui peuvent empêcher le nouveau-né de respirer et interrompre son rythme cardiaque sont dramatiques car ils peuvent entraîner des lésions au cerveau qui pourront se traduire par une paralysie cérébrale ou des troubles d'apprentissage et de développement, voire même la mort du bébé. Ces tragédies sont relativement fréquentes puisqu'elles surviennent dans 5 naissances sur 1000. Je comprends pas pourquoi ils ne divisent pas pour faire un pourcentage, mais bon. Une partie des dommages peut survenir au moment où le bébé est privé d'oxygène lors de l'accouchement, mais aussi quand le bébé a récupéré un bon rythme cardiaque et que le flux sanguin revient dans l'ensemble du corps. Comme le cerveau a souffert, il boit trop comparativement à ce qu'il est capable de traiter, et ça déclenche toute une cascade de réactions qui cause des dommages supplémentaires au cerveau, nous explique un pédiatre et néonatologiste à l'hôpital de Montréal pour enfants du CUSM. Le seul traitement utilisé à ce jour pour ces bébés est l'hypothermie. Avant que survienne la cascade, on met le cerveau au repos en abaissant la température corporelle à 33,5 degrés Celsius pendant 72 heures. Cette hypothermie réduit la quantité de sang qui arrive au cerveau, lequel aura ici moins de choses à traiter vu qu'on ne lui demande pas la même activité. Ce traitement fonctionne bien chez certains bébés, seulement un bébé sur sept, mais pas chez d'autres qui développeront des dommages au cerveau. On croyait qu'il fallait attendre que le traitement de 72 heures soit terminé avant de savoir s'il y aurait des dommages au cerveau, mais lorsque l'équipe a introduit les bébés dans un scanner durant le traitement d'hypothermie, on a pu voir que si au deuxième jour d'hypothermie, des dommages cérébraux étaient visibles, ils étaient toujours présents à la fin du traitement, même plus tard. Cette étude montrait donc que l'imagerie permet de distinguer rapidement les bébés qui ne répondent pas à l'hypothermie. Informé d'une étude ayant démontré les effets positifs du sildénafil, dont le nom commercial est Viagra, sur le cerveau d'adulte ayant subi un accident vasculaire cérébral, l'équipe de la docteure Wintermark a testé le médicament sur des animaux nés à terme, mais ayant manqué d'oxygène lors de leur naissance. Les chercheurs ont alors observé que le sildénafil diminuait l'inflammation et accroissait le nombre de cellules nerveuses dans le cerveau de ces animaux. Dans une prochaine étape, ils tenteront de savoir si les neurones se régénèrent ou s'il y en a moins qui meurent. Ces résultats prometteurs ont été présentés à Santé Canada, qui a alors donné son autorisation à un essai clinique chez les nouveaux-nés, étant donné que le sildénafil était bien connu et déjà employé pour traiter les bébés souffrant d'hypertension pulmonaire. Les bébés qui participent à cette étude clinique présentent des lésions au cerveau au deuxième jour du traitement d'hypothermie. On leur administre alors du Viagra ou un placebo selon un protocole randomisé, donc au hasard, et ce pendant 7 jours. Ces bébés seront suivis jusqu'à l'âge de 2 ans. Durant cette période, on évaluera leur développement et on examinera leur cerveau ainsi que l'activité cérébrale en ayant recours à l'imagerie par résonance magnétique IRM. Dans une première étape de l'étude, ils veulent vérifier que le sildénafil n'entraîne pas trop d'effets secondaires afin de pouvoir enrôler les bébés à travers tout le Canada et ensuite nous éprouverons son efficacité, disent-ils. On rappelle que le principal effet secondaire du sildénafil est qu'il diminue la pression sanguine, ce qui entraîne une vasodilatation des vaisseaux sanguins, laquelle facilite évidemment l'érection masculine. Mais on pourrait donner des médicaments aux bébés pour prévenir cette baisse de la pression sanguine, tout en faisant valoir que le Viagra est un médicament peu cher, facile à administrer et qui pourrait même atténuer la rétinopathie qui affecte les bébés prématurés. Ensuite, on veut réveiller les morts avec des cellules souches. L'entreprise BioQuark envisage de mener un essai clinique très controversé d'ici la fin de l'année. Le projet vise à restaurer une activité neuronale chez les personnes en mort cérébrale à l'aide de plusieurs techniques, l'injection de cellules souches, la stimulation nerveuse et le laser. Les cellules souches apparaissent de plus en plus comme une piste sérieuse pour traiter de nombreuses pathologies nerveuses comme Alzheimer, Parkinson, lésions cérébrales. Alors pourquoi pas réparer le cerveau des morts pour ramener ces derniers à la vie? Cette idée est digne d'un scénario de film de science-fiction. On dit ça dans chaque article de Futura Science. Ils se tannent pas à un moment donné de dire ça. Et le projet fou porté par une société américaine basée à Philadelphie, BioQuark. C'est pas la première fois que la société veut participer à une expérience de ce genre. En 2016, l'étude Reanima avait été lancée en Inde, à Bangalore, avec Himanshu Bansal, un chirurgien orthopédique de l'hôpital Anupam. Son projet était de combiner plusieurs techniques pour animer 20 personnes en mort cérébrale. Reanima consistait à injecter aux patients des cellules souches mésenchymateuses, ça sonne mieux, et des peptides qui aident à régénérer les cellules du cerveau. Ces peptides devraient être fournis par l'entreprise BioQuark. En plus de ces injections, une stimulation laser transcrânienne et une stimulation nerveuse étaient prévues. Ce projet est tombé à l'eau, stoppé net par les autorités indiennes en novembre dernier, comme le révélait alors la revue Science. Mais l'entreprise ne s'est pas avouée vaincue. Cette fois-ci, d'après le Business Insider, elle serait sur le point de trouver un nouveau lieu pour ses essais cliniques. Ara Pastor, PDG de BioQuark, a déclaré au site Stat que l'entreprise ferait l'annonce de cet essai en Amérique latine dans les prochains mois. Si l'expérience suit le même protocole que celui prévu en Inde, elle pourrait inclure 20 personnes. L'essai clinique consisterait là aussi à injecter des cellules souches provenant du patient issues de la graisse du sang, de la graisse du sang. Ensuite, un mélange de peptides serait injecté dans la moelle épinière pour favoriser la croissance des nouveaux neurones. Ce mélange, qui s'appelle BQA, a été testé dans des modèles animaux du mélanome et de traumatisme crânien. À cela s'ajouterait une stimulation nerveuse et une thérapie laser de 15 jours pour pousser les neurones à établir des connexions nerveuses. Les chercheurs pourraient alors suivre les effets de ce traitement grâce à des électroencéphalogrammes. Mais un tel protocole soulève de nombreuses interrogations. Comment mener un essai clinique sur des personnes qui sont officiellement décédées? Si la personne retrouve une certaine activité cérébrale, dans quel état sera-t-elle? Donne-t-on de faux espoirs aux familles avec un traitement qui risque d'être très long? Or, rien ne laisse penser qu'un tel protocole puisse fonctionner. L'entreprise n'a même pas testé le traitement complet sur des modèles animaux. Les traitements évoqués comme l'injection de cellules souches ou la stimulation transcrânienne ont pu être testés dans d'autres situations, mais pas dans le cas de mort cérébrale. Dans un article paru en 2016, la neurologue Ariane Lewis et le spécialiste de bioéthique Arthur Kaplan signalaient que l'expérience n'avait aucun fondement scientifique et qu'elle donnait aux familles un faux et cruel espoir de rétablissement. Et me voilà en train de vous en faire peut-être aussi. Des artères imprimées en 3D pour réduire les risques lors d'opérations. L'impression 3D prend peu à peu sa place dans les instituts de santé. Elle est notamment utilisée pour imprimer les artères des patients afin de faciliter le diagnostic et l'entraînement préopératoire, réduisant ainsi les risques d'échecs lors des interventions chirurgicales. De nombreux secteurs tels que l'industrie, le modélisme, la joaillerie ou encore la médecine sont en proie à une véritable révolution. L'utilisation croissante de l'impression 3D ouvre jour après jour de nouvelles possibilités aux professionnels. Pièces ultra robustes ou flexibles, résistantes à la chaleur ou biocompatibles, les technologies et les matériaux se multiplient pour offrir toujours plus d'applications. Mais surtout, les imprimantes 3D de bureau ont démocratisé cette technologie là où auparavant seules les plus grandes entreprises y avaient accès. Désormais, un petit cabinet dentaire ou une petite maison de fonderie peuvent disposer d'une imprimante 3D utilisée en interne. L'une des opportunités les plus prometteuses aujourd'hui reste incontestablement l'impression 3D en médecine et en dentisterie, nous dit GénérationNT.com. Qu'il s'agisse de créer des outils, des prothèses, des implants ou encore des guides chirurgicaux, l'impression 3D s'affirme peu à peu comme un indispensable lors des interventions chirurgicales. Elle devient une réponse aux enjeux sanitaires actuels et à venir, ouvrant la voie à des traitements toujours plus rapides, efficaces et personnalisés. Les matériaux biocompatibles des imprimantes 3D sont conçus pour rester en contact avec le corps humain et animal. Les pièces sont imprimées sur mesure pour s'adapter parfaitement aux besoins du patient et leur résistance permet un usage sur la durée sans risque sanitaire. Bientôt, nous serons probablement capables de fabriquer des tissus biologiques, voire des organes entiers. La bio-impression s'annonce pleine de promesses. Ce rêve n'a d'ailleurs plus rien de futuriste, car imprimer des artères en 3D devient déjà une pratique courante dans les instituts et laboratoires de santé. Plusieurs instituts de cardiologie, dont l'Institut de Melbourne ou l'Institut de cardiologie Dante Panzanese, utilisent aussi ainsi l'impression 3D pour faciliter le diagnostic et le traitement des maladies cardiaques. En utilisant l'imagerie médicale du patient, il est aisé de modéliser les artères sur un support numérique pour les imprimer en 3D ensuite. Cela a pour but de mieux visualiser où se trouve l'anomalie, donc de mieux déterminer comment la traiter et ainsi de réduire les risques d'échec lors de l'opération. Le patient est également rassuré car il peut voir physiquement l'opération qu'il va subir et ce de façon totalement personnalisée. Si son anatomie ne présente aucun obstacle à l'intervention, le médecin lui fait une démonstration directement sur un modèle imprimé. Au besoin, il est même possible d'ajuster rapidement et facilement la modélisation 3D et de relancer une autre impression. La flexibilité et la capacité d'itération des imprimantes 3D sont précieuses pour multiplier les essais et assurer un succès total. Mais imprimer des artères n'a pas d'intérêt qu'en cardiologie. Dans l'Institut de neuroradiologie de l'Université de Lübeck en Allemagne, le Dr Kemling imprime les artères de patients atteints d'anévrisme. L'anévrisme est une petite poche de sang formée par la dilatation de la paroi d'une artère. Si cette poche rompt, le sang s'écoule dans le cerveau, entraînant la mort du patient dans 30% des cas. C'est ce qu'on appelle une rupture d'anévrisme. On estime que 3% de la population est atteinte de cette anomalie, mais elle n'a pas besoin d'être systématiquement éradiquée. Le choix qui s'offre aux patients est soit donc d'opérer l'anévrisme à titre préventif, en en prenant le risque d'un échec, soit de vivre avec en prenant le risque qu'il rompe à tout moment. Aujourd'hui, les dispositifs les plus usités dans les interventions préventives sont les déviateurs de flux, des sortes de fils microscopiques tissés qui inhibent le flux sanguin dans l'anévrisme. Ces déviateurs de flux doivent être parfaitement placés au micromètre près, car sinon le patient est exposé à des risques encore plus importants. Il est donc essentiel d'avoir des gestes sûrs et être extrêmement précis, et c'est là que l'impression 3D apporte une aide considérable. Le docteur Kimling l'a vite compris et a pris une belle longueur d'avance en matière de high-tech. Grâce à l'impression 3D, il crée des répliques exactes des artères cérébrales de ses patients. Ça lui offre la possibilité de s'entraîner au préalable à l'opération de façon personnalisée, donc plus sécuritaire, plus sûre. Cet entraînement peut donc réduire de 50% le temps de l'opération réelle. Le docteur Kimling utilise une imprimante 3D SLA Form 2 et peut aussi imprimer les artères de 8 patients en 2 jours. Ces modèles ont une résolution de 0,025 mm, ce qui est moins que l'épaisseur d'un cheveu. Et le coût d'impression est si faible que les patients peuvent même emporter les répliques de leur artère chez eux. Le Dr Kimling inspire déjà de nouvelles utilisations de l'impression 3D dans le domaine médical. Un autre groupe de chercheurs de l'Université de Lübeck utilise des modèles 3D pour tester des traitements pour la coagulation du sang. Cette nouvelle-là est fantastique. Très longue, mais vraiment intéressante. Ensuite, ça aussi c'est intéressant, on parle de placebo, qui marche même quand vous êtes au courant que c'est un placebo. Mystère de l'esprit humain, une série d'études médicales américaines mettent en lumière qu'un patient, même lorsqu'il sait que les médicaments ne contiennent aucun principe actif, guérit mieux et plus vite que lorsqu'il reçoit aucun traitement. Le simple pouvoir de la suggestion des effets positifs du placebo expliquerait ces résultats pour le moins étonnants. Une série de 5 études publiées au mois d'avril tire toutes la même conclusion. Menées sur différentes pathologies impliquant une cohorte de 260 malades, toutes portées sur des essais ouverts sur le célèbre effet placebo. L'industrie pharmaceutique explique aujourd'hui relativement bien en quoi l'esprit est un soutien actif du médicament. Un exemple, quand vous souffrez d'un mal de tête et que vous avez là un comprimé de paracétamol, vous vous sentez généralement mieux en 10 minutes, alors que le comprimé n'est pas encore dissous dans votre organisme. L'effet placebo vient accélérer l'effet bénéfique de la molécule, optimisant son efficacité. Mais ces 5 nouvelles études vont plus loin encore. L'une d'entre elles, menée par l'école médicale de Harvard, portant sur 80 patients atteints de syndrome de l'intestin irritable, hey, c'est moi ça, confrontait 2 groupes, je me sens visé. Un premier groupe de 37 malades à qui l'on a donné des pilules neutres en leur expliquant qu'elles ne recelaient aucun principe actif. L'autre groupe n'a reçu aucun traitement. Résultat, ceux ayant eu un placebo se portaient nettement mieux que le groupe sans comprimé. Même résultat pour des tests identiques sur d'autres pathologies très diverses comme le mal de dos, la dépression, l'hyperactivité et le trouble de l'attention. Comment expliquer cet effet placebo? Plusieurs pistes. L'expérience positive avec les médecins, stimulant la sécrétion d'endorphines et de neurotransmetteurs. Plus subtil ensuite, la suggestion des effets bénéfiques du placebo déclenchant à elle seule un apaisement des symptômes douloureux. Enfin, l'effet d'embodiment cognitif selon lequel, l'expérience de la prise de cachet. Ça, c'est la pilule, favoriserait à elle seule le processus immunitaire, au point de soulager sensiblement le patient des symptômes liés à sa pathologie. N'est-ce pas fascinant? C'est fascinant, on va se le dire. Ensuite, des tatouages qui changent de couleur pour analyser votre santé. Hein? On a aussi des sujets variés aujourd'hui. Si le tatouage n'est aujourd'hui qu'un accessoire de style, indélébile en plus, des chercheurs travaillent à lui conférer d'autres pouvoirs. Les experts testent actuellement des tatouages qui changent de couleur selon certains paramètres physiologiques. L'idée est la suivante. En intégrant de petits biocapteurs dans l'encre du tatouage, la peau devient alors un écran interactif capable d'avertir en cas de danger potentiel concernant la glycémie, le pH ou le sodium. Ces biocapteurs transmettent ces modifications du métabolisme en faisant changer la couleur de l'encre du tatouage. On pourrait avoir aussi genre des notifications de courriel puis de messages sur Facebook avec ça. Cette invention est l'œuvre d'une équipe conjointe du MIT et de Harvard et est actuellement en phase de test préliminaire. L'objectif serait à terme de trouver le moyen d'améliorer la relation entre l'homme et les technologies via la peau. Ensuite, 2 nouvelles un petit peu moins scientifiques quand même. Les athées feraient moins confiance à leur instinct que les croyants. Différentes études suggèrent que les personnes athées seraient plus intelligentes que les autres. Pas surprenant ici. Pour l'expliquer, 2 chercheurs proposent que la religion soit liée à l'instinct. Selon eux, la curiosité intellectuelle permettrait de dépasser ses croyances instinctives. Durant l'Antiquité, le scepticisme semblait se rencontrer chez les sages. Euripide exprimait un rejet des dieux au 5e siècle avant G.C. Dans Bellérophon, tragédie dans laquelle le héros s'exprime en ces termes, je cite, « On affirme que dans le ciel, il y a des dieux. Il n'y en a pas, non, il n'y en a pas. Cessez de répéter sottement cette vieillerie. Ne me croyez pas sur parole, voyez de vos propres yeux. Je prétends, moi, que les tyrans font périr les hommes par milliers, qu'ils les dépouillent de leurs biens, qu'au mépris de la foi jurée, ils détruisent les cités, et que malgré cela, ils sont plus heureux que ceux qui adorent chaque jour tranquillement les immortels. » Des paroles qui trouvent toujours un écho plus de 1000 ans plus tard. Des études se sont penchées sur le lien entre l'intelligence et les croyances religieuses et ont conclu à une corrélation négative entre les deux. Ainsi, une méta-analyse de 63 études parues dans Personality and Social Psychological Review en 2013 a trouvé que les personnes croyantes avaient tendance à être moins intelligentes que celles qui ne l'étaient pas. Un article de 1998 paru dans Nature intitulé « Leading Scientists Still Reject God », les scientifiques de premier plan rejettent toujours Dieu. Dieu. Montrait que seulement 7% des membres de l'Académie de sciences des États-Unis croyaient en Dieu. Comment expliquer un tel rejet? Edward Dutton, chercheur à l'Institut de recherche sociale d'Ulster au Royaume-Uni, et Dimitri van der Linden du département de psychologie de l'Université de Rotterdam aux Pays-Bas ont voulu apporter une explication. Dans un article paru dans Evolutionary Psychological Science, ils présentent plusieurs hypothèses. La première repose sur l'irrationalité de la religion. L'argument est le suivant. Il n'est pas possible de prouver logiquement l'existence d'un Dieu. Aussi, il serait plus rationnel de ne pas y croire. Quand tu peux pas prouver quelque chose à la place de dire « ben, c'est que ça existe », tu dis « ben, c'est que ça existe pas hein. ». Mais c'est une autre hypothèse que les chercheurs ont préférée. L'hypothèse privilégiée dans cet article est que la religion soit liée à l'instinct. Cette idée découle d'une théorie développée par Satoshi Kanazawa, un psychologue de la London School of Economics, l'hypothèse de la savane. Cette théorie postule que nous sommes adaptés à résoudre des problèmes rencontrés de manière récurrente par nos ancêtres chasseurs-cueilleurs dans la savane africaine. L'intelligence qu'on mesure aujourd'hui par le QI aiderait à résoudre des problèmes qui ne sont pas fréquents dans la savane. Ceci signifie que les personnes intelligentes ont plus de facilité à gérer la nouveauté dans l'évolution, c'est-à-dire des situations qui n'existaient pas dans l'environnement ancestral. Pour Edward Dutton et Dimitri van der Linden, la religion est un domaine de l'évolution, donc un instinct. Or, l'intelligence consiste à s'élever au-dessus de nos instincts, comme l'explique Edward Dutton dans un communiqué repris par Life Science, je cite « L'intelligence dans la résolution rationnelle des problèmes peut être comprise comme le fait de surmonter son instinct, d'être intellectuellement curieux et donc ouvert à des possibilités non instinctives. » Les chercheurs se sont ainsi intéressés au lien entre instinct et stress. Ils pensent que l'intelligence aiderait à dépasser ses instincts dans des moments de stress. Je cite encore, « Si la religion est en effet un domaine évolué, donc un instinct, alors elle sera augmentée dans des moments de stress quand les gens sont enclins à agir instinctivement. Mais à l'inverse, l'intelligence nous permet de faire une pause et de raisonner à travers la situation et les conséquences possibles de nos actions. » Notons cependant que les auteurs ne présentent qu'une théorie sur un sujet qui fait naturellement débat. Ah, et dans le même genre de la rationalité, est-ce qu'on peut dire ça? Selon une étude, on est plus rationnel quand on utilise un téléphone intelligent. Tout le monde sait que quand on s'emporte dans les émotions, on peut être amené à en dire trop, à laisser sortir des choses qui n'auraient pas dû sortir car elles sont déformées par la puissance de l'émotion. Comme le dit justement l'expression sur le coup de l'émotion. Hein? C'est vraiment important dans l'article de dire ça. Cela dit, il semblerait que concernant la prise de décision, on devrait peut-être penser à utiliser un smartphone plutôt qu'un ordinateur car selon l'étude récente, on serait plus rationnel lorsqu'on utilise un smartphone. L'étude a été publiée dans Science Direct. Elle s'appelle Computers in Human Behavior, donc le rôle des ordinateurs dans le comportement humain. Et a conclu de façon assez intéressante que lorsqu'on est confronté à un dilemme, on a tendance à être plus distancié, plus rationnel quand on utilise un smartphone qu'un ordinateur. Selon l'étude, les utilisateurs d'ordinateurs semblaient s'appuyer plutôt sur leur intuition et leurs émotions pour prendre leurs décisions. A priori, ce serait dû au fait que les smartphones nous obligent à nous concentrer sur une seule chose à la fois, chose que ne fait pas l'ordinateur. Évidemment, le multitasking, etc., on a tendance à favoriser plusieurs choses en même temps, probablement aussi fortement lié au design même des appareils et des logiciels. Le directeur de l'étude, le docteur Albert Bark-Duran, a expliqué à la City de l'Université de Londres, je cite, « Ce qu'on a remarqué dans l'étude, c'est que lorsque les gens analysent un problème moral classique à travers un smartphone, ils tendent à être moins émotionnels, à prendre des décisions plus rationnelles lorsqu'ils se trouvent confrontés à un problème à fort potentiel émotionnel. » Et ben, il y en a-tu des choses intéressantes, hein? C'était Merci Science. Merci Science. Maintenant, on va entendre des chansons de chiptune, en fait des pièces qui viennent d'une trame sonore de jeu vidéo pour un jeu qui n'est pas vraiment un jeu vidéo. Ça s'appelle Bird World. Donc on va écouter cette trame sonore-là et je vous en parle au retour. Vous écoutez MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Thank you. vous êtes assez fou. 89. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Sonore d'un jeu qui n'existe pas, Welcome to Bird World, précédé de Main Menu, donc Big World, Bird World, pardon, comme je viens de le dire, ça n'existe pas vraiment, c'est un album concept de 12 chansons, 12 pièces de trame sonore de jeux vidéo, mais ça n'existe pas pour vrai, c'est Leon Chang qui a décidé de faire ça juste pour le fun. C'est le même gars, en fait, qui a fait un petit remix que vous avez peut-être croisé sur Internet, si on peut l'écouter, je crois que ça devrait fonctionner ici. Ah, voilà. Ça sent bien. C'est un remix de la chanson thème de Friends avec Joey qui dit How you doing tout le long. C'est ce qu'il avait fait. C'est le même. C'est Leon Chang. Leon sur Twitter. L-E-Y-A-W-N. C'est son premier album complet. Il sort des pièces depuis un an et demi. Sur la thématique de Bird World, et maintenant il les a compilés en un seul album. Faites-vous le procurer en passant par assemblagerequis.com. Tant qu'à être dedans, on écoute la fin de cette chanson, et après ça, ce sera le segment Geek Scenic. Leon, I'll be there for you, version remix avec Joey qui dit How you doing tout le long. Voilà. Mathieu Planchot, maintenant c'est le segment Geek Cynix. La www.tesh.tesh.com. C'est Alex, la chronique qui parle de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. Et on commence avec les robots. Hein. Un robot pasteur qui provoque une polémique en Allemagne. Confronté à une pénurie de pasteurs. ça me fait rire, une pénurie de pasteurs. Je te prendrais une sauce avec des pâtes. Je te prendrais une pénurie de pasteur, s'il te plaît. Une église protestante allemande, a choisi d'installer à l'entrée d'un de ses temples un robot qui distribue les bénédictions, baptisé Bless You Too. Je vous bénis, vous aussi. La machine suscite un débat outre-rang. Est-il possible d'être béni par une machine? Bless You Too peut bénir en 5 langues grâce à un écran tactile et à les mains qui brillent. C'est louche un peu. Il y a 500 ans, à Wittenberg, en Allemagne, au sud de Berlin, un théologien appelait l'église à rompre avec ses mauvaises pratiques et à se réformer. Grâce à l'imprimé Martin Luther, brava l'excommunication, oui, et répandit ses idées dans toute l'Europe. Un demi-millénaire plus tard, c'est encore une révolution technologique qui vient bousculer la chrétienté. À l'occasion du 500e anniversaire de la réforme protestante, la ville de Wittenberg organise une exposition marquée par la présence d'un robot bénisseur. Esthétiquement, rien de bien impressionnant. Avec son buffet écran et son design très années 60, Bless You Too tient plus du distributeur de billets que de l'humanoïde, mais il est capable de vous bénir en 5 langues avec une voix d'homme ou de femme. Bless You Too ajoute le geste à la parole. En levant les bras, ses mains émettant une lumière blanche pendant la bénédiction. À l'initiative de cette expérience, l'église protestante évangélique de Hesse et Nassau voulait provoquer un débat sur l'avenir de l'église. Si la foi survivra sans nul doute à l'avènement des robots, l'église en tant qu'organisation sera-t-elle, elle aussi, victime du grand remplacement annoncé pour des milliers de métiers? Si une machine pourra bientôt remplacer un livreur, un chauffeur de taxi, un banquier ou un journaliste, un robot peut-il aussi occuper la fonction de pasteur? Dieu peut-il bénir une personne à travers un robot? Des questions complexes qui divise les croyants. Bless You Too n'est pas le premier robot à faire irruption dans le domaine de la religion. En 2016, en Chine, un temple bouddhiste avait mis en marche un moine robot qui récite des mantras et peut expliquer les rudiments du bouddhisme aux passants. Hey boy! Toujours dans les robots, à Roland-Garros, les robots aussi jouent au tennis. Durant le tournoi de tennis de Roland-Garros de 2016, les spectateurs ont pu se mesurer au RG Robot. Cette installation repose sur deux robots industriels de la marque allemande Kuka, qui, pilotés par des algorithmes et des capteurs, sont capables de lancer la balle et de taper dedans en dosant leur force avec précision. Rassurez-vous, ces machines ne sont tout de même pas encore prêtes à battre les champions de la terre battue. Leur vrai match se joue sur un autre terrain. On se rappelle que la semaine passée, on a parlé d'intelligence artificielle pour décrire des matchs de tennis. C'est complètement différent. Ici, on va remplacer les animateurs et les joueurs. Tant qu'à faire, ça va être un sport qui va se faire tout seul. Bien plus facile, bien moins cher. Si les intelligences artificielles ont leurs défis, comme de battre les humains au jeu de Go, on en parle tout le temps, devenir des artistes accomplis ou déjouer les cyberattaques, les robots ne sont pas en reste. On sait déjà qu'ils sont imbattables au roche-papier-ciseaux, le Shifumi, ou peuvent piloter un avion sur simulateur. Les voilà désormais joueurs de tennis. Une équipe rassemblant les spécialistes allemands de robotique industrielle Kuka et Schunk et les Français Real Time Robotics et SICK est venu au tournoi de Roland-Garros l'année dernière, bien sûr, avec un télisman industriel. Le RG Robot n'a rien de robot au sens où on l'imagine, à savoir un humanoïde doté d'une paire de bras et de jambes. L'installation se compose en fait de deux bras robotisés Kuka installés de chaque côté du court de tennis. L'un sait servir ou plutôt lancer la balle en cloche, tandis que son acolyte muni d'une raquette la renvoie. Jusque-là, rien de bien impressionnant, sauf que le robot, qui frappe la balle, doit viser juste pour qu'elle tombe dans l'une des cases dessinées sur la surface opposée du court. Les cases, qui sont plus ou moins grandes et difficiles à atteindre, rapportent des points. Les visiteurs peuvent venir jouer aux côtés du RG Robot pour tenter de le battre. Il faut avouer que le résultat n'est pas très impressionnant. Regardez sur la vidéo sur assemblagerequis.com, c'est l'article de Futura Science qui dit ça pour moi. On est bien loin des coups spectaculaires de Roger Federer ou autres. Pourtant, cette démonstration est le résultat de 6 mois de travail durant lesquels il a fallu développer la plateforme logicielle à même de coordonner les bras robotisés et les capteurs, ajuster la vitesse, la force de frappe, la précision. Il a fallu aussi beaucoup de temps pour que la pince de Schunk qui lance la balle soit réglée pour accomplir parfaitement ce geste en apparence très simple. Ensuite, toujours chez les robots, on a conçu un robot magnétique pour explorer votre colon. On a parlé de colon irritable tantôt, hein? J'ai beaucoup trop parlé de ma vie personnelle. La coloscopie est un passage obligatoire et assez fréquent à mesure qu'on vieillit. Ça permet au docteur de détecter notamment les maladies comme le cancer du colon. Les chercheurs veulent rendre la procédure plus sûre et un peu moins invasive grâce à une petite capsule commandée grâce à un aimant situé à l'extérieur de votre corps. Pour une coloscopie classique, il faut un coloscope, un câble assez épais sur lequel est fixée une caméra et une source lumineuse. Celui-ci entre dans le rectum du patient pour examiner le côlon. Une opération ordinaire réalisée sous anesthésie parce que la pression exercée sur le côlon peut occasionner des douleurs a posteriori, ça veut dire après. Des chercheurs de l'université Vanderbilt et de l'université de Leeds ont mis au point un robot capsule de 18 mm de diamètre manœuvré dans le gros intestin via un bras robotisé au bout duquel se trouve un gros aimant. De son côté, le câble de la capsule ne servant plus qu'à l'alimentation de l'appareil et à simplifier le retour de la vidéo peut donc être plus fin que celui d'un coloscope traditionnel. Le contrôle effectué par l'aimant permet quant à lui de réduire sensiblement la pression et l'effort physique sur le côlon, diminuant d'autant la douleur ressentie après l'opération. Celle-ci pourrait d'ailleurs être effectuée même sans anesthésie, permettant de réduire la durée de rétablissement. Pour l'instant, la capsule n'a été testée que sur le gros intestin d'un cochon, mais les chercheurs espèrent pouvoir démarrer des tests sur l'homme d'ici la fin de l'année 2018. Il faudra donc encore quelques années avant de pouvoir éventuellement bénéficier de cette technique. Bonne nouvelle! On passe aux intelligences artificielles après les robots. Dans 43 ans, les intelligences artificielles réaliseront n'importe quel job. Le monde se dirige vers un scénario digne de la science-fiction et les plus... Je l'avais dit tantôt que chaque article qui avait rapport avec ça parlait de science-fiction. On va remplacer l'homme dans tous les domaines, c'est ce qu'on croit donc chez les spécialistes en la matière, interrogé dans le cadre d'une étude. L'étude n'a pas été menée par un cabinet d'analyse ou une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle. Elle a été réalisée par les universités de Oxford et de Yale. Les chercheurs, dont l'étude a été publiée le 30 mai dernier, ont interrogé 352 chercheurs en intelligence artificielle qui ont publié des articles en 2015. Selon eux, l'intelligence artificielle va se développer très rapidement. En 2060, les intelligences artificielles seront en mesure de réaliser toutes les tâches humaines. Bien évidemment, elles y parviendront mieux que leurs créateurs. Aucun domaine ne sera épargné. Transport, sciences, finances, santé, même le domaine militaire devrait voir les intelligences artificielles prendre le dessus sur le cerveau humain. Les chercheurs interrogés ont même donné un calendrier assez précis des principales étapes du développement des intelligences artificielles. Dès 2024, selon l'étude, les intelligences artificielles seront en mesure de traduire les langues mieux que l'homme. En 2006, elles écriront des dissertations de niveau collégial, tandis qu'en 2049, elles écriront des livres en entier. Mais avant ça, en 2027, elles conduiront des camions et occuperont des emplois dans le commerce de détail dès 2031. Puis en 2053, elles prendront la place des chirurgiens. Cette évolution, qui paraît inéluctable, conduira doucement à un remplacement complet des hommes par des robots d'ici 120 ans, selon les chercheurs, soit en 2137. Un changement radical qui concernera les générations futures. Dans 120 ans, il y a de fortes chances que l'intégralité des personnes vivant en 2017 sera décédée, à quelques exceptions près peut-être. Lire dans les pensées maintenant, toujours grâce à cette fameuse intelligence artificielle. Le recours à l'intelligence artificielle basée sur la technique d'apprentissage profond, ce qu'on appelle en anglais le deep learning, a permis à des scientifiques... est-ce que c'est celui-là qu'on dit machine learning, apprentissage profond? Non, je pense que c'est deep learning, moi. C'est deux affaires différentes. A permis à des scientifiques japonais de mieux décoder et prédire ce qu'une personne voit ou imagine en se référant à un catalogue d'images toujours plus exhaustif. Explorer le cerveau humain afin de décoder le contenu de ses pensées est certainement l'un des champs de recherche les plus intéressants de la science depuis quelques années, nous rapporte Radio-Canada.ca. Les recherches à ce sujet avancent si bien que les chercheurs sont de plus en plus capables d'interpréter ce qu'une personne voit, se rappelle, imagine ou même rêve. Il existe cependant des limites à cette interprétation, en particulier parce que le contenu du cerveau humain est unique pour chaque personne et que la création de catalogues de modèles est difficile à réaliser. Ces modèles doivent ensuite être combinés à un petit nombre d'images préprogrammées, une étape qui nécessite de nombreuses procédures où les sujets doivent subir de longs et coûteux tests d'imagerie par résonance magnétique. C'est à partir de ces connaissances que s'est imposée l'intelligence artificielle dans les travaux du Puryuki Sayasu Kamitani et de ses collègues de l'Université de Kyoto. L'intelligence artificielle que nous utilisons est basée sur le même principe appelé apprentissage profond, oui, Deep Neural Network, ajoute le Per Kamitani. Son équipe a découvert que l'activité cérébrale d'un individu peut être décodée puis traduite en signaux simulant des modèles neuronaux à l'aide de l'apprentissage profond lorsque les images identiques sont présentées à un humain et à une machine. En outre, les chercheurs ont constaté que certaines zones visuelles du cerveau étaient meilleures pour décoder les différentes couches de l'apprentissage profond, révélant par le fait même une homologie entre le cerveau humain et le réseau neuronal. Alors que notre connaissance du cerveau s'approfondit, que le développement de l'intelligence artificielle s'accélère, le Per Kamitani espère déjà améliorer la précision de sa nouvelle technique d'identification des images. Les détails du travail dans la revue Nature Communications. Toujours en intelligence artificielle, cette IA apprend à jouer à Mario par curiosité. Un chercheur de Berkeley en Californie est parvenu à développer une intelligence artificielle qui a terminé seul le premier niveau de Super Mario sur la Nintendo Entertainment System, non pas sur ordre de son programmeur, non, mais par simple plaisir de la découverte. Un comportement non fondé sur la récompense qui pourrait bien révolutionner l'intelligence artificielle. Elle a le style de jeu un petit peu bondissant, nous dit-on, l'intelligence artificielle développée par Deepak Pathak de l'Université Berkeley en Californie. Dans les vidéos qu'on peut retrouver sur assemblagerequis.com, on la voit contrôler Mario en sautant frénétiquement. Elle est d'ailleurs plutôt douée pour stopper les carapaces de tortue. Une intelligence artificielle jouant aux jeux vidéo, c'est quand même déjà quelque chose qu'on a déjà vu, sauf que celle-ci est motivée par la simple curiosité. Comme la grande majorité des joueurs humains qui prennent le paddle, leur télécommande, leur manette de jeu, davantage par plaisir que pour gagner, l'intelligence artificielle de Deepak Pathak n'est poussée que par l'envie d'explorer le niveau qui se déroule devant elle. L'intelligence artificielle a appris seule à jouer. Après des débuts laborieux s'achevant au premier champignon croisé, elle a développé des stratégies lui permettant d'aller de plus en plus loin. Hein? Les vidéos que je joue tout seul. Pour la revue Digital Trends, Deepak Pathak explique, je cite, une motivation intrinsèque motivée par la curiosité permet au programme d'apprendre, même lorsqu'il n'y a pas de récompense. Une nuance cruciale, quand AlphaGo, l'intelligence artificielle de Google qui met à genoux les meilleurs joueurs de Go de la planète les uns après les autres, progresse en recevant des stimuli agréables en cas de succès, l'intelligence artificielle de Deepak Pathak, elle, avance sans but extérieur. Pas de victoire, pas de record ou rien. Une rupture qui induit un comportement totalement différent. Alors que l'intelligence artificielle fonctionnant par renforcement positif ne s'arrête qu'après la victoire, celle-ci n'obéit qu'à l'envie, celle de la découverte. Un fonctionnement finalement très humain qui lui a permis d'apprendre beaucoup plus vite à jouer. N'étant pas en quête de performance, l'intelligence artificielle de Deepak Pathak est cependant sujette à des travers tout aussi humains comme le découragement. Lassé de tomber continuellement dans certains trous, l'intelligence artificielle a renoncé à boucler certains niveaux, s'arrêtant au tiers du parcours. Signe au final de l'intelligence poussant la machine à contourner le problème plutôt que de s'y enferrer. Toujours dans le même domaine, une intelligence artificielle anti-intelligence artificielle pour détecter les voix de synthèse. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on avait entendu les fausses voix de Donald Trump, Barack Obama et Hillary Clinton. Alors que les technologies de synthèse de la voix font des bonds de géant grâce au machine learning, c'est ce dont je parlais. Une société australienne alerte sur les risques du détournement de la voix humaine à des fins criminelles ou de manipulation de l'information. Elle est en train de développer une intelligence artificielle capable de détecter les voix synthétiques, ce que l'homme ne sera bientôt plus en mesure de faire à l'oreille. Dans la guerre contre les fake news, il faut toujours avoir un coup d'avance. C'est en substance la devise qui préside aux recherches de la société australienne DTR&D, basée à Melbourne. Alors que les voix synthétiques approchent désormais un rendu quasi humain, elle imagine déjà le pire. De la même manière qu'on peut manipuler des images ou de la vidéo, une intelligence artificielle pourra tout à fait imiter à la perfection la voix de n'importe qui et lui faire dire n'importe quoi. À l'automne 2016, l'équipe Google travaillant sur DeepMind, l'intelligence artificielle devenue imbattable au jeu de Go, avait bluffé le monde en la faisant parler avec une aisance, une fluidité, une spontanéité toute humaine. En nourrissant des réseaux neuronaux, de nombreuses équipes dans le monde sont parvenues à des résultats impressionnants au point que, d'ici quelques années, l'intelligence artificielle mettra probablement au chômage les métiers du doublage, de la traduction ou redonnera la voix aux malades l'ayant perdu. Ils n'ont pas mentionné la radio, fait que ça me donne quand même un petit espoir de pouvoir rester là. D'ailleurs, je pense qu'on a ici l'extrait de... Est-ce que c'est bien celui de Donald Trump? I'm not a robot, my intonation is always different. C'est tellement pas, je trouve. I'm not a robot, my intonation is always different. Pas malade, pas la chose la plus géniale que j'ai entendue, mais ça va venir un jour. D'autres usages sont aussi envisageables. Et donc, comme on l'a entendu, l'intelligence artificielle Lyrebird qui synthétise à la perfection la voix de Donald Trump. Et je saute des commentaires d'opinion de l'article. Celle-ci prend la forme d'une... Une perspective inquiétante qui a inspiré une réflexion d'autodéfense chez DTR&D qui a donc mis au point ce qu'ils appellent une intelligence artificielle anti-intelligence artificielle. Celle-ci prend la forme d'un dispositif auriculaire connecté à un smartphone, lui-même lié à un réseau neuronal. Ce dernier identifie quand la voix est synthétique. Il adresse alors un signal à l'appareil posé sur l'oreille qui active à son tour un micro-module de refroidissement thermoélectrique en contact avec la peau. Le frisson ressenti vous alerte donc en temps réel que vous écoutez une fausse voix. DTR&D en est au stade de l'expérimentation et une fois à maturité, l'intelligence artificielle anti-intelligence artificielle devrait vite trouver sa place dans le monde post-vérité. Confronter ses démons en réalité virtuelle. Oui, on passe donc de l'intelligence artificielle à la réalité virtuelle. Grâce à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, il est désormais possible de confronter ses démons. L'entreprise de Québec, OVA, a créé un avatar qui permet d'aider les patients atteints de schizophrénie, nous dit Le Soleil. Cette technologie sera utilisée dans la deuxième phase qui débutera vers la fin du mois d'août d'un projet pilote à l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Une cinquantaine de personnes devraient participer à cette recherche. Le concept est assez simple. Lors d'une première rencontre avec son médecin, le patient conçoit son démon, par exemple un homme avec la peau rouge et des cornes. Le personnage peut également être une femme ou une personne âgée. Ensuite, lors des autres séances, l'interaction entre le psychiatre et le patient se fait à travers le démon. Et même la voix est modifiée afin de rendre l'échange le plus réaliste possible. Pour la première série de tests, une vingtaine de personnes aux prises avec des hallucinations ont participé. Les résultats se sont avérés très positifs. Avance au soleil le psychiatre et chercheur responsable Alexandre Dumais, qui s'inspire d'une étude britannique pour réaliser ses recherches. L'avatar permet d'aider les patients atteints de schizophrénie, dont le contrat a été signé avec le Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. C'est l'un des produits dérivés de la plateforme de réalité virtuelle et augmentée Stellar X, développée par OVA. Cette technologie offre une solution complète pour la création en un tournement d'environnement virtuel et immersif. À titre d'exemple, la Ville de Québec a utilisé au cours des dernières années le savoir-faire de la jeune pousse pour former des intervenants de première ligne dans le cadre de son programme de vitrine technologique. Des pompiers, des ambulanciers, des policiers et des membres de la sécurité publique ont entre autres dû réagir lors de la simulation avec la plateforme d'une fuite de gaz au centre sportif Marc Simoneau. Dans un avenir assez rapproché, la technologie d'OVA servira également pour la formation de la Marine royale canadienne. Un contrat de 4 ans serait également sur le point d'être signé avec un important constructeur d'automobiles allemand et les discussions sont en cours avec des entreprises américaines figurant dans le top 3 du magazine Forbes en 2016 pour son chiffre d'affaires, soit Walmart, Exxon et Apple. Bien qu'il aimerait en dire plus si ce n'est pas l'envie qui manque, oui, le fondateur et président d'OVA, Harold Dumur, se doit de demeurer avare de commentaires sur certains contrats. Des ententes de confidentialité ont été signées. OVA compte parmi ses clients des entreprises et des organisations comme Hydro-Québec et le Festival international de jazz de Montréal. Au cours des prochaines semaines, le président s'envolera vers San Francisco au Demo Day pour discuter d'affaires avec des géants comme HTC Vive, qui finance déjà la compagnie, Microsoft, Google et Oculus. La jeune entreprise, fondée en 2014 dans la capitale, a dernièrement ouvert son premier bureau à l'extérieur de la province, à Beijing, en Chine. Elle compte aujourd'hui 12 employés et M. Dumur espère atteindre les 50 travailleurs d'ici 2 ans. Son plan d'affaires vise également les 60 millions de dollars de revenus d'ici 2023. Vous pouvez lire le reste de l'article sur assemblagerequis.com. Il y a des citations du monsieur que j'ai sauté par l'article pour sauver du temps. Et finalement, pour ce bloc, une technologie holographique aussi fine qu'un cheveu. En quelques années, une grande partie des mobinautes, ça c'est les gens qui sont sur leur téléphone cellulaire en permanence, s'étaient habitués à gérer leur quotidien à l'aide d'une intelligence artificielle, que ce soit pour Siri ou pour Google Assistant, anciennement Google Now. Ceux-ci pourraient très prochainement prendre la forme de véritables hologrammes. Tout ça grâce à une nouvelle technologie holographique capable de tenir dans un téléphone. On l'appelle déjà le dispositif holographique le plus fin du monde, 1000 fois moins épais qu'un cheveu. Il peut facilement être intégré à des écrans comme ceux des télévisions, des ordinateurs ou évidemment des téléphones. C'est en tout cas ce qu'affirme Minju, scientifique au RMIT en Australie. Je cite... Les hologrammes conventionnels générés par ordinateur sont trop gros pour des appareils électroniques, mais notre hologramme ultra fin dépasse les barrières de la taille. Ainsi, le dispositif holographique à base de tellurure d'antimoine est capable de générer un cube de 3 mm d'épaisseur, une prouesse encore modeste, mais dont la technologie peut être redimensionnée pour des effets plus imposants. Voilà. Un autre blog de CNX s'en vient tout à l'heure. On va entre autres parler de programmation au Japon. On va parler de pédophiles et de crowdsourcing, ainsi que du vol de photos nues de patients dans une clinique de chirurgie esthétique plus tard dans CNX. Mais pour l'instant, on écoute les Big Bad Bosses. Oui, des vilains de jeux vidéo qui se rassemblent pour former leur propre boy band, Big Bad Bosses. Voici I'm the Boss, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Yeah, all right. my castle. Ain't no princess inside. Ain't nobody gonna come and find me. I got mad reptilian pride. If you wanna step in my kingdom, I get a real nice surprise. Ain't nobody see me coming, even if you got special eyes. Even if they gotta run up on me, I got tricks and traps and bait. If they got big plans for later, but they tell them you're gonna be late. I got a personal private army made out of a bunch of mice and rabbits and foxes. Now isn't that so very nice? Somebody put out that racket. If there's trouble, you're about to attract it. G-Cash, my moves is so practiced. Like a phantom, watch while I smash this. Fly honeys to my room like it's tragic. Don't make wave, silence is magic. If there's a fever, I'ma damn well catch it. If there's a record, I'ma damn well smash it. Yo, check out my mad flows. Not this minion, gingerbread cornrows. Everyone here knows I'm the Nero. Stop, 1, 2, 3, 4, hero. Rolling, don't even need a step. I engineer beats like Emotep. Players run when they see me on a mic check. I got spikes that'll make a dude's life wreck. Hey ladies, I'm Steffi. Give me a digits, phone getting heavy. I'll pick it up, we can see what we start. I might just break your heart. Ain't never easy, be it's lazy, but I get by. I'm in my element, but I make a baby cry. If you ever try to cross me, there'll be hell to pay. So stay out of my way. You know what? Don't. Cause I'm the boss. I'm the boss. I'm very, very sorry for your loss. I'm the boss. I'm the boss. And just in case I didn't get my point across, I'm the boss. We'll be right back. Sticker Brush Symphony Remix. Évidemment, The Donkey Kong Country, c'est un grand classique pour les gens qui aiment la musique de jeux vidéo. À la série de l'album de Game Chops, qui a des remixes de chansons de jeux vidéo, mais repris de façon chill out, house, etc. Que ce soit sur la NES ou la Super NES. C'est produit par Donnie, un musicien canadien qui vit à Taïwan. Allez retrouver ça sur assemblagerockey.com. Et avant la pause, on a entendu Big Bad Bosses B3. C'était une collaboration entre un compositeur de musique de jeux vidéo, Jake Kaufman, qu'on connaît pour Shovel Knight et Contra 4, ainsi que plein de gens de la communauté des jeux vidéo qui se demandent donc si les méchants de jeux vidéo, Bowser, Ganon, Sephiroth, etc., se rencontraient et combinaient leurs forces pour faire un boy band. Ça donnerait Big Bad Bosses. Et on a entendu la pièce I'm the Boss. Avant la pause au Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est le deuxième segment, c'est Nyx. Il nous reste un petit peu de temps pour d'autres nouvelles technologiques, informatiques, jeux vidéo, vidéoludiques, comme vous le voulez. On commence avec la programmation, un jeu d'enfant pour les Japonais. Un article qui nous vient de l'agence France Presse. Programmer soi-même des jouets confectionnés à la main, telle est une des tendances vedettes cette année au salon Toy Show de Tokyo, au moment où la programmation informatique est en passe de devenir au Japon une discipline scolaire à part entière. Dès 2020, les écoliers du primaire devront apprendre à résoudre des problèmes par la programmation informatique, un enseignement qui mêle créativité, logique, mathématiques et codage. Sans attendre, les fabricants de jouets proposent de nouveaux jeux censés aiguiser toutes ces aptitudes. Ainsi, Sony présente au salon son tout nouveau jouet Toyo pour que les chérubins s'initient à la robotique et à la programmation informatique. Ce concept ludo-éducatif couple de petits robots, de petits cubes robotisés, oui, servant de base sur laquelle les enfants peuvent créer des objets en Lego, en papier plié ou l'origami ou découpé, et les animer à l'aide d'un petit cerceau qui sert de télécommande. Les cubes peuvent aussi enregistrer des mouvements qu'ils devront répéter grâce à la programmation d'un enchaînement d'actions. Son développement s'inscrit dans le cadre du programme First Flight, premier vol, lancé par le patron de Sony, Kazuo Hirai. Les salariés du groupe, quel que soit leur poste, sont invités à proposer des idées qui, si elles sont jugées pertinentes par la direction, bénéficient d'un accompagnement technique et industriel, ainsi que d'un appel au financement en ligne. Artek offre aussi des cours sur la base de ses kits de robots à monter soi-même avec un concept assemblé, programmé, manipulé. La forme du robot est libre et ce que l'enfant lui enseigne aussi. À l'opposé d'un mode d'enseignement aujourd'hui très uniforme, au Japon avec des examens souvent basés sur des questionnaires à choix multiples où il faut opter pour une des solutions pensées par d'autres, mais pas d'imaginer. Ces cours visent au contraire à développer les facultés de résoudre par soi-même un problème et de concevoir un raisonnement personnel. Selon les projets à l'étude au sein du gouvernement, cet enseignement de la programmation pourrait déboucher par la suite sur un changement radical des types d'examens, avec cette fois non plus un contrôle de connaissances apprise par cœur, mais une évaluation de la créativité, de l'aptitude à juger et de la capacité de s'exprimer. Et Artec de rappeler que les entreprises devraient se réjouir de cette nouvelle orientation quand nombre d'entre elles se plaignent de devoir elles-mêmes former de frais émoulus d'universités qui manquent trop souvent d'esprit d'initiative, de réflexion personnelle et de caractère. Reste que ça exige un traitement égal pour les deux sexes, alors que les fabricants de jouets japonais ont encore très souvent tendance à séparer les jeux entre masculin et féminin. Les jeux de programmation sont plus souvent basés sur les personnages ou objets rangés dans les rayonnages clairement désignés pour garçonnets, comme les dinosaures, les robots semi-humanoïdes et les voitures, ce qui risque de les cantonner à ces derniers. Pour pister les pédophiles, Europol utilise le crowdsourcing. L'Office européen des polices a mis en ligne un site web qui affiche des objets du quotidien, extraits depuis des images pédopornographiques. Ceux qui les reconnaissent sont invités à donner des informations. Une marque de shampoing, la couverture d'un magazine, un sac de course ou encore le motif d'un papier peint. Depuis le 1er juin, Europol diffuse en ligne des photos d'objets du quotidien repérés à l'arrière-plan d'images pédopornographiques, des indices susceptibles d'aider les enquêteurs à retrouver les pédophiles. Publié sur la page Stop Child Abuse, Trace an Object, donc arrêter l'abus d'enfants, suivez un objet, il pourrait permettre aux polices du monde entier de retrouver et sauver les victimes, mais aussi d'interpeller les auteurs de ces abus. Les 20 images présentent des objets sans intérêt qui peuvent parfois finir par devenir une piste clé dans une investigation, a déclaré Steven Wilson, chef du Centre européen de cybercriminalité d'Europol. Parmi ces photos, des marques distinctives sur les vêtements des enfants, comme un chat, une licorne ou même l'image d'un champ enneigé avec des maisons, sont considérées comme des indices importants. Je cite, « Nous cherchons à identifier dans ces vidéos des éléments précis qui pourraient être uniques dans une région du monde, un pays ou encore une ville ou un village en particulier. » Le responsable de l'EC3 a fait appel à l'aide du public pour retrouver l'origine de ces indices. Le site web est europol.europa.eu/stopchildabuse et c'est conçu pour recueillir les renseignements de façon anonyme. Une fois l'origine de l'objet identifié, Europol travaillera avec les forces de police compétentes dans un pays et avec un peu de chance, cela mènera à l'identification de la victime et à l'arrestation du coupable. L'année dernière, Europol avait averti que l'abus sexuel d'enfants en ligne et le harcèlement sexiste ou revenge porn étaient en hausse sur Internet. Les réseaux criminels et pédophiles... Pardonnez-moi. Les réseaux criminels et pédophiles utilisent souvent le dark web, la face cachée d'Internet, pour distribuer anonymement des images pédopornographiques en ligne. Et ce projet cherche à utiliser l'étendue mondiale d'Internet pour autoriser le public à contribuer à cette investigation et jouer un véritable rôle dans la prévention de la maltraitance des enfants dans le monde. Voilà. Ensuite, dans le même domaine, vol de photos nues de patients d'une clinique de chirurgie esthétique. Après une fuite de données, une clinique de chirurgie esthétique et ses patients ont fait l'objet d'une tentative d'extorsion de la part d'un groupe se présentant en tant que Tsar Team. Les photos nues sont notamment concernées. Les serveurs d'une chaîne de clinique de chirurgie esthétique lituanienne, Grodio Chirurgia, ont reçu la visite inopinée de pirates informatiques plus tôt cette année. Une révélation tardive alors que les autorités locales évoquent l'exfiltration et la publication de plus de 25 000 photos privées, dont des photos nues et données personnelles de clients. Ce piratage affecte des patients originaires d'une soixantaine de pays dans le monde, dont en Allemagne, Danemark, Norvège, Royaume-Uni et divers pays européens. Le Daily Mail fait en outre mention de quelques célébrités parmi les victimes. L'intrusion informatique et une tentative d'extorsion seraient l'œuvre d'un groupe se présentant sous l'identité de Tsar Team. Sans succès, il a tenté de faire chanter la clinique en exigeant la somme de 300 bitcoins. Ça, c'est plus de 630 000 euros pour empêcher la publication des données dérobées. Des victimes ont également fait ultérieurement l'objet d'un chantage avec des sommes demandées variant entre 50 et 2 000 euros en bitcoins. Le Guardian indique que la base de données complète volée se monnaie désormais sur le marché noir pour une cinquantaine de bitcoins, donc plus de 105 000 euros. Malgré l'impact international de l'affaire, la clinique qui présente ses excuses publie sur son site une information à ce sujet qui n'est disponible que dans une version en lituanien. Il a notamment évoqué un travail avec les autorités, tandis qu'un lien aiguille vers le formulaire de demande de suppression de contenu indexé par Google en Europe. Le nom de Tsar Team n'est pas inconnu. C'est une identité jadis utilisée par le groupe de cyberespionnage APT-28, alias Fancy Bear. Pour autant, il est peu probable que le groupe Fancy Bear, qui serait lié au service militaire russe, soit impliqué. L'emprunt du nom Tsar Bear pourrait être en sorte un hommage ou une tentative d'intimidation. Et finalement, d'où vient le nombre 20... on va recommencer ça. D'où vient le nombre 42, la réponse à tout dans l'univers? C'est un nombre iconique dans l'univers geek qui serait tout simplement la réponse à tout. C'est du moins ce qu'indique Douglas Adams dans son fameux livre, Le Guide du Voyageur Galactique. Mais si on connaît souvent cette réponse, on sait souvent moins pourquoi le nombre 42 a été choisi par l'auteur. Pour comprendre d'où vient le nombre 42, il faut se pencher sur l'œuvre de science-fiction de Douglas Adams, Le Guide du Voyageur Galactique. Dans cette nouvelle, qui est depuis devenue une véritable référence dans la culture geek, est créé un super ordinateur qui répond au nom de Pensée Profonde. Celui-ci a un but précis, trouver la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste. Puisque cette question est incroyablement compliquée, Pensée Profonde a mis plus de 7 millions d'années pour sortir enfin une réponse. Selon l'ordinateur, il s'agit donc du nombre 42. C'est en 1993 que Douglas Adams finit par répondre à ses fans sur le choix de ce nombre. Je cite, c'était une plaisanterie. Ce devait être un nombre ordinaire et petit et j'ai choisi celui-là. Les représentations binaires, la base 13, les moines tibétains sont des absurdités. Je me suis assis à mon bureau, j'ai regardé dans le jardin et j'ai pensé que le nombre 42 serait bien. Je l'ai écrit, fin de l'histoire. On voit que les gens essayaient de lui donner une raison à ce nombre-là. Douglas Adams aurait donc choisi totalement par hasard le nombre 42. Il empêche que les fans continuent de chercher des motivations plus profonde. Pendant ce temps, le nombre 42 est devenu une running joke, une blague à course dans la culture geek. C'est ainsi le titre d'un épisode de Doctor Who, dont la durée est justement de 42 minutes. Un conseil sur World of Warcraft, qui, quelle que soit la question, la réponse est toujours 42, et c'est même le nom de l'école d'informatique créée par Xavier Niel. Voilà une nouvelle tout à fait désopilante du nombre 42. C'est là-dessus que se termine le segment CNX et c'est aussi la fin de l'émission de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mercredis de 15h à 17h. On rappelle les jeudis à midi, les mardis à 10h et les samedis à 9h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Rocky tout l'été, les jeudis de 14h à 17h. Consultez la programmation complète sur CIF.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balados diffusion sur assemblagerocky.com. Samuel Girard et Frédéric Simon seront de retour dans les prochaines semaines. Je l'ai confirmé pendant l'émission. Donc de leur part et de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante, Mathieu Plante, c'est le Mathieu Plante. Vous avez été planté. Bye bye. On se quitte avec Ambush de Stores à la semaine prochaine.